طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. Juste avant qu'on commence, une rectification sur un truc que j'avais dit sur le derrière précédent par rapport à Zahalika. Quand on m'avait demandé est-ce qu'il s'écrit avec Alif, Zahalika, est-ce qu'on écrit Alif? En fait, à la base, Zahalika, il ne s'écrit pas avec le Alif. Il se prononce, mais il ne s'écrit pas. Le cas où il s'écrit, c'est une autre circonstance qui viendra plus tard quand on apprendra les Huruf Jar. Quand on apprendra vraiment le détaillé sur les Asma Ishara. Sinon, en tout cas, quand tu écris Zahalika, comme ça, le Alif ne s'écrit pas. Il se prononce comme Haza, pareil. Il se prononce, mais il ne s'écrit pas. Ou Ha'ulai. Par exemple, Ha'ulai, par exemple, quand ça commence à venir, si Ismi Ishara pour le pluriel, le Alif ne s'écrit pas. Comment t'as dit, tu dis remarque en arabe ? Tambi. Comme ça ? On va prendre un petit peu. Hein? On va rajouter un petit peu de. Non. Tenbi, ça gaza. C'est singulier? Ça va aller quoi? Tenbi. Tenun, be, ya, ha, tenbi. Et souvent, tu verras la. Tu verras souvent le point d'exclamation comme ça à côté. C'est un singulier là. Tambi, non. Il n'y a pas de. Le pluriel c'est tambi hat. De toute façon, je dis tambi hakada. Ah, Mohamed, je répète pour toi, comme je viens de dire au frère. Zahalika est écrit sans alif. Sans alif. Le alif se prononce mais ne s'écrit pas. Vous voyez, le seul moment où tu écris le za, c'est un autre cas. Et ça, vous l'apprendrez quand vous ferez, Inch'Allah, le détaillé sur les Asma Ishara. Le ya, il n'y a pas de soukoum, il n'y a pas de chétara. Ça qui. Alhamdoulilah. Il y a des mots qui sont au bal. Là, le ya, il n'y a rien. Ça qui. Qu'est-ce qu'on fait? Khaï, Inch'Allah. Nabda, fi, adersi, asali. En ce qui concerne les deux verses précédents, c'est compris ? Oui. Ismi Ishara, Muzakkar, Mufrad, Qarib. Et Ismi Istifham, Ma, Li, Ghayr Aqil, Wa Man, Li Aqil, Wa A, Haq Istifham. C'est à qui ? Oui. Mafhum, Tayyib. Le vocabulaire est simple, on ne va pas s'attarder dessus. Alors le vers d'aujourd'hui, il concerne un chapitre très important qui est Al-Ma'rifa wa al-Nakira. Al-Ma'rifa wa al-Nakira. On est dans le 3 là. Non. Wa alaykoum as-salam. المعرفة و النكرة المعرفة والنكرة المعرفة ميم عين راء فاء تاء والنكرة نون كاف راء المربوطة Al-Ma'rifa ou Al-Nakira. Il se peut que des fois, vous faites surtout attention à ce que j'écris, pas à ce que je dis. Parce qu'il se peut que des fois, en dictant, j'oublie une lettre. Comme j'avais vu dans. Quand j'ai écouté le dirs de Sarawil, j'ai pas dit Alif. Quand j'avais écrit Sarawil, j'avais écrit Sarawil avec un Alif. Vous voyez, mais quand je voulais dicter, j'ai pas dit Alif. Oui, il écrit, mais moi, je l'ai pas prononcé. Moi, j'avais dit Sim, Ra, Waou directement. J'ai pas dit l'alif, donc vous faites attention à ce que j'écris, pas à ce que je dis. Le plus souvent. Si jamais moi j'écris et je parle, mettez en avant ce que je. Là, il dit. Mettez en avant ce que j'ai écrit. D'ailleurs, c'est dans les règles du Mustalah, parmi ceux qui écrivent le hadith, entre ceux qui mémorisent et ceux qui écrivent, quand il y a une divergence entre les deux, on met en avant ce qui a été écrit que ce qui a été mémorisé. Parce que la mémoire, des fois, elle joue des tours. Nakira. Nakira. Donc le Ma'arifa, Il lisse. Le Ma'arifa, c'est une chose définie. Ça y est, quelque chose de défini, de désigné. Et Nakira, c'est le contraire. C'est quelque chose de non défini. L'indéfini. Et leur signe. Et le signe distinctif de ce qui est Ma'arifa principal, c'est Alif Wallam. Vous voyez, c'est le Alif Wallam. Comme cela est venu sur le Kitab, en guise d'exemple, il dit en premier Beytoun. La Beytoun, là, il est Nakira. Vous voyez, ou Al-Baytou, il est Ma'arifa. Vous voyez, le Nakira, comme il n'y a pas d'Alif Wallam, il s'écrit avec le Tanwin. Et le Ma'arifa, comme il rentre dessus Alif Wallam, il s'écrit sans Tanwin. Le Tanwin, c'est quoi? C'est un Noun. C'est un Noun Sa'akir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Haraka, qui se prononce mais qui ne s'écrit pas. Vous voyez, il se prononce mais ne s'écrit pas. Par contre, son signe, c'est que tu écris la haraka deux fois. Par exemple, Beytoun, tu vas écrire deux dhammas. Beytan, tu vas écrire deux fatha avec un alif. Et Beytin, tu vas écrire deux kasra. C'est comme ça qu'il. Mais sinon, quand tu dis Beytoun, c'est comme si tu disais Beytoun avec un noun à la fin. Seulement ce noun-là, il ne t'écrit pas. Pourquoi t'as noun en arabe? La signification en arabe. Noun Sakina. Tuntok voilà Tuktab. Tuntok voilà Tuktab. Tuntok. Nam. Voilà. Tuktab. Voilà. Tuktab. Tuktab. Aïe. Tuntak, voilà Tuntak. Prononce pas. Non, c'est pas juste. Ouais, je prononce là. Voilà Tuktab, il ne s'écrit pas. Elle est plus longue, mais en arabe, c'est quand on est en train de faire, Inch'Allah. En arabe, c'est plus long, mais cela suffit. Parce que la définition en arabe, ça va prendre du temps et on prendra un autre moustawa, Inch'Allah. Donc, là, vient de prendre la différence apparente entre le Ma'arifa ou le Nakira. Beytoun, avec Tanwin Dhamma, Nakira. Ou Al-Baytou avec Alif Wallem sans Tanwin Ma'arifa. D'autres exemples, Kitabun Nakira, Al-Kitabu Ma'arifa, Qalamun Nakira, Al-Qalamu Ma'arifa, Jamalun Nakira, Al-Jamalu Ma'arifa. Maintenant, avec ce nouveau chapitre qu'on a pris, on va pouvoir entrer dans un des piliers de la langue arabe, c'est Al-Jumla Al-Mufida. Al-Jumla Al-Jumla Al-Mufida. Jumla al-Mufida. Jumla al-Mufida, c'est une phrase qui a un sens. C'est une phrase qui a un sens. Jumla al-Mufida, c'est une phrase qui a un sens. Elle a beaucoup de branches, mais aujourd'hui on va commencer par l'une des plus importantes, qui est celle du Mubtada wal-Khabar. Comme ça va venir. Al-Jumla al-Mufida, également chez les gens du Nahou, elle s'appelle Al-Kalam. Hmm? Elle s'appelle Al-Kalam. C'est quoi, Al-Jumla al-Mufida? Non, dans le Nahou, vous allez voir plus tard, Jurubiya par exemple, ou Tamima ou Kotal Nada, ils disent Al-Kalam. Et quand ils disent Al-Kalam, c'est ça qu'ils veulent dire par là, Al-Jumla al-Mufida. Alors, un exemple, premier exemple qu'ils donnent, Al-Qalamu Maksoud. Wa alaykoum as-salam. Al-qalamu maksurun. Regarde, al-qalamu il est ma'alifa. Il y a alif al-lam, il n'y a pas de tanwin. Maksurun il est nakira. Vous voyez, il y a son tanwin, il n'y a pas d'alif al-lam. Que veut dire cette phrase? Ça veut dire le stylo est cassé. Donc cette phrase, elle a un sens ou pas un sens? Elle est suffisante en elle-même. On n'a rien à ajouter à la base. Si on avait dit, elle collait vous tout seul comme ça. On dit collait vous quoi? Esh, elle collait. Il y avait quelque chose derrière. Ou si on avait dit Maksour tout seul. On a dit, c'est quoi qui est Esh Maksour? C'est quoi qui est cassé? Maintenant, on a les deux éléments, depuis de la phrase, qui sont, elle collait vous, il s'appelle, dans la phrase, elle mubtada'u. Vous voyez? Elle mubtada'u. Non, pour moi, t'as dit Maksoun, c'est quoi, c'est pas ça? Ouais, je vais l'écrire là maintenant, Inch'Allah. Al-Mubtada. Wa. Al-Khabar. القلم اللي مبتدا ومكسور الى خبر دونك المبتدا يا حق الله ايش هو المبتدا on va prendre une définition primaire du mubtada كما قال علي رضي الله عنه خاطب الناس بما يفهمون et turidun an yukadhibu Allah rasulahu, c'est-à-dire parler aux gens parce qu'ils comprennent, voulez-vous qu'ils démentent Allah ou son messager? Donc on va prendre une définition appropriée au niveau du livre, car le mubtada c'est un chapitre qui est large, qui est très large. Donc on va se contenter des choses primaires. El Khabar, pareil, c'est une porte qui est très importante dans la langue arabe, dans le Nahou, qui a plein de conditions, plein d'exceptions, des choses comme ça, ça viendra plus tard. Ben, je vois que tout le monde a un zoukem. Ah ouais? Hein? On a tous un zoukem, on a tous un rhume, que je vois. Non, c'est pas rhume, c'est. C'est quoi? Allergie un peu. Ah, rhume des fois? Non, des fois, je sais pas. Ça. Non, moi, c'est un rhume. Ouais, c'est rhume pareil. Attends, on va y chier, Anna. Donc, le mubtada, c'est, en arabe on dit au début, ou al-ismu al-marfu'u. En fait, l'écrivez pas en arabe, c'est là je vous le dis. Si on va prendre du temps sur le point de discussion en arabe, on va pas s'arrêter. C'est juste je vous le dis. Ou al-ismu al-marfu'u al-lazi yubtada'u bihi al-kalam. Ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, le mubtada, c'est le nom. C'est le nom. Donc, un mubtada, c'est un nom, toujours. C'est pas un fi'al, c'est pas un verbe. C'est pas un harf, c'est un nom. Une particule comme eux ils disent. Donc c'est le ism al marfou. Ça veut dire quoi marfou? Ça veut dire que la harakat qui est à la fin du mot c'est une damma. C'est le nom marfou. Il n'y a pas de nom en français. Non, il n'y a pas d'équivalent en français. C'est le nom quoi? Ism al marfou. Marfou ça veut dire que la harakat à la fin c'est damma. C'est le nom mini de la voyelle. Non, il n'y a pas de traduction pour marfou. C'est quelque chose qui est propre à la terminologie. Il nous munit de la voyelle, pardon. Marfoua. Marfoua, c'est comme ça. Mim. On peut faire Ismou Marfoua. Sam. Marfoua. Mim. Fa. Mim. Ra. Fa. Waou. Aïn. Marfoua. C'est le nom qui est marfour par lequel on commence la phrase. Celui qui vient en premier dans une phrase. L'origine, c'est que tu vois un nom en début de phrase qui est marfour, c'est un mubtada. Et c'est sur lui que va se baser ce qui vient après. En fait, il est le centre visé par la parole. El khabar. El-Khabar, c'est le ism marfour par lequel on commence la parole. Khabar, c'est quoi? C'est l'informateur. Ce qui va informer selon Mubtada. Par exemple, quand on dit Al-Qalam maksourun, Al-Qalam, c'est le Mubtada. C'est de lui qu'on va parler. Maksour, c'est l'information qui revient à quoi? Au Mubtada. On informe qu'il est cassé. Khabar, c'est l'information. Non. Théodé. Enfin, ce que tu appelles Théodé, c'est un verbe. Ouais. C'est ce que je me rappelle. Ah, là, il y a un verbe. Ouais, mais en français. En arabe, c'est autre chose. Entendu, en arabe, c'est autre chose. Non, là, il n'y a pas de verbe. Il n'y a pas de verbe. En arabe, ce que tu appelles Théodé, c'est un mafoul bi, ça va venir après. Donc, c'est la chose qui informe du Mubtada. Et le khabar, pareil, il a plusieurs catégories. Des fois, c'est une phrase, des fois, c'est un mot. Des fois, c'est un choubi joumla, comment ça va venir. Pour l'instant, ce qu'on donne du mot. Et là aussi, c'est un nom. Et le khabar, comme le Mubtada, il est marfoua. C'est-à-dire que sa haraka à la fin, c'est une damba. Les deux, ils sont marfoua. Simplement, la différence maintenant qu'on va avoir entre les deux, c'est que le Mubtada, il est ma'alifa. Et le khabar, il est nakira. Donc l'origine d'une chose, tu vois une phrase avec deux noms. Marfour, un qui est Ma'alifa et le deuxième qui est Nakira, c'est que tu as affaire à un Mubtada ou à un Khabar. Si je te dis, comme ça vient après, deuxième exemple, Al-Babu Maftouhun. Traduis cette phrase, le corner un petit peu. Al-Babu Maftouhun. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Aïna l'Umtada, Mohamed. L'Umtada, il est où? Al-Babu. Al-Babu, c'est l'Umtada. Pourquoi? Si j'ai en premier, il est Marfour et il est Ma'alifa. Maftouhun, c'est le Khabar. Pourquoi? Il vient en deuxième. C'est un ism aussi. Il est Marfour et il informe qu'elle est Medbab, qu'elle est ouverte. Il est Nakira. Aïna Kira. Comme tu vois, il y a le Tanoun, il n'y a pas d'alif ou l'am. Et également, parmi les choses qui sont importantes à savoir dans le Mubtada et le Khabar, c'est que le Khabar, il suit le Mubtada dans, dans ses attributs. C'est-à-dire que si le Mubtada est masculin, le Khabar sera masculin. S'il est féminin, il sera féminin. S'il est singulier, il sera singulier. S'il est pluriel, ainsi de suite. S'accorde en genre et en nom. Non, s'accorde en genre et en nom. Tu m'as rappelé une illustration que j'avais oubliée. Donc là, on voit dans les exemples que nous avons pris, Mubtada, à chaque fois, il est masculin. Muzakkar, Mufrad. Donc le Khabar, Kazalik. Mubtada, Mufrad. Vous voyez ? Après, un autre exemple, il dit Al-Waladu, Jalifun. Al-Waladu, Marlouf. Le sens du Walad, c'est connu. Enfant. Jalifun, assis. Donc le Waladu, le Mubtada. Ism, c'est un ism, il est marfour. Et en début du kalam. Jalifun, c'est le khabar. Pareil, il est marfour, il vient après Mubtada et il est nakira. Deuxième phrase, wal mudarrisu waqifun. Mudarris, c'est l'enseignant. Waqif, c'est au contraire de Jalif, il est debout. Après, il vient avec d'autres exemples. Adolkoyob, il est sonak. Je l'ai sonak, là t'as un baïd. T'as. Tal. Tal. Faut la pâter sinon on va pas le dire. Yes. Là, on va. Donc ici d'autres exemples. Al-Kitabu Jadidun. Kitab Mutada Ma'rifa. Jadidun Khabar Nakira. Allez, vous connaissez le malade Jadid. Nouveau. Neuf. Wa Al-Qalamu Qadimun. Waou ça s'appelle. C'est un harf. Atas. Ça veut dire et. Et. Refji Mohammedun. Wa Abdul Qadir. حرف عطف كذا عين ط ف عطف mais il y a deux sens hein. Ça c'est l'un des sens de waouh. Le sens voulu là dans cette phrase là c'est ça, le عطف. C'est-à-dire qu'il joint de et non, ما معنى et عطف حرف عطف tu lui fais la haraka, tu veux dire harf ou atfin. Donc il dit wal kalamu qadimun. Qadim, ça veut dire quoi? C'est le axe de jadid. C'est le axe, le contraire. Ça veut dire ancien, vieux. Wal kalamu mutada qadimun khabar. Ensuite il dit wal himaru saghirun wal hisanu kabirun. Wal himar, là il est mutada. Wal saghir, il est khabar. Donc l'âne est petit. وَالْحِصَانُ كَبِيرٌ الْحِصَانُ, le cheval comme on a pris. وَكَبِيرٌ, معلوف, c'est grand. Le cheval est grand. Troisième exemple. الْكُرْسِيُّ مَكْسُورٌ. Kursi, معلوف, c'est le mutada. Et c'est la chaise. مَكْسُور, ça veut dire cassé. Vous voyez que ça veut dire cassé, donc la chaise est cassée. Quatrième exemple. المنديل وسخ. C'est quoi déjà le mindil? Abdel Kader? Mouchoir. Wasikh, ça veut dire sale. Vous voyez? المنديل وسخ. Et c'est là que vous voyez qu'une phrase en arabe n'est pas obligée de contenir un verbe, contrairement en français. Par exemple, là, si on traduirait mot pour mot, on dirait le mouchoir sale. Mais comprenant le sens, il y a un takdir, c'est-à-dire qu'il y a un sens caché qui veut dire le mouchoir est sale. Donc une phrase en arabe n'est pas obligée de contenir un verbe. Nous, on est obligé. En français, on est obligé de faire un verbe dans la phrase. En arabe, tu n'es pas obligé d'avoir un verbe. Non, juste ça. Tu dis harfu. Harfu atf. Et il finit in. Harfu atfin. Atfin, non. Stazim, t'as Laisse. Stazim, t'as de ma'a, ou l'aide. Pour l'aide. Hein? Stazim, ou l'aide. C'est toute ta vie. Là, tu m'as vexé là. Ah, quand même, Mohamed, là. Laisse ta vie, laisse ta vie, laisse ta vie. Mais y'a ça. La forme ? Hein ? Et. Cinquième exemple. El ma'u baridun. El ma'u. M'tada, el ma'u, il est là. À la mer. De l'eau. Baridun. Froid. L'eau est froide. Et le mai en arabe, muzakkar. Vous voyez, il est muzakkar. Al-Qamaru Jamilun. Al-Qamar, c'est la lune. Pareil, en arabe, c'est muzakkar. Jamilun, ça veut dire beau. Et bien sûr, nous, en traduisant, on dira la lune est belle. Misal al-Sari, septième exemple. Al-Baytu Qaribun, wal-Masjidu Ba'idun. فَالْبَيْتُ مُتَدَى قَرِيبٌ خَبَى. La maison est proche. وَالْمَسْجِدُ بَعِيدٌ. Et la mosquée est loin. ثَامِن. Huitièmement. الْحَجَرُ ثَقِيلٌ وَالْوَرَقُ خَفِيفٌ. الْحَجَر, on a pris le mot الْحَجَر, c'est مُتَدَى, ça veut dire pierre. ثَقِيل, c'est lourd, ça veut dire lourd. La pierre est lourde. وَالْوَرَقُ خَفِيفٌ. Warok, c'est la feuille. Où ça fait? La feuille. Khafif, c'est l'axe de Saqil. C'est le contraire. Khafif, c'est léger. Donc la feuille est légère. Tafian, neuvièmement. Al-labanu harun. Le lait est chaud. Laban mubtada wa harun khabar. Le lait est chaud. Al-qamisu nazifun. C'est le dixième exemple. Al-qamis mubtada, c'est un ism, il est marfou, il est ma'rifa. Et nazifun, c'est le khabar qui veut dire propre. Le qamis est propre. Donne-moi un exemple de jumla mufida, comme ça que vous venez de prendre précédemment. Jumla tu mufida? Non, tada khabar. Waladu zakiyun. Waladu zakiyun. Ma'amana tarjima de jumla? Waladu mubtada. Non. Ma'arifa. Non. Wazakiyun khabar. Zakiyun. Khabar. Khabar. Nakira. Non, pour Marfoua. Pour Marfoua. T'as traduit la phrase. L'enfant est malade. Ou l'enfant malade. Intelligent. Ouais, intelligent. Non, t'as dit. Donne un exemple, pareil, autre que du livre. Al-Ha'itu Abiyadu. Non, Al-Ha'itu Abiyadu. Comment la phrase? Le mur. Abiyadou, maman Abiyadou? Blanc. Non. Le mur est blanc. Ça y est, parfait. Ah, je voulais te demander. Non. On entend Sahel. Ça fait partie de. Hein? Sahel. Sahel, c'est quelque chose qui a été réchauffé. Ah, peut-être par le feu ou par le. C'est pas le même sens. C'est Moutarib, c'est synonyme. Mais si on se dit Sahel, ça veut dire que ça a été réchauffé. D'accord. Et Harun, c'est chaud. C'est chaud. À la base, toute chose chaude a été réchauffée, mais Sahin, ça a un sens plus précis. Quoi, en fait, en plus précis, quoi. Par exemple, Sahan, Sahan, c'est un chauffe-eau. Ouais, c'est un truc pour chauffer. Tu peux dire une chose est chaude en disant Sahin. Tu peux dire aussi, non. D'accord. Le marin est compris. Non, c'est pas faux. C'est juste en guise de précision, quoi. Comment il s'écrit? Esh. Sahin. Sin. Alif, Kha'nun. Et tu m'as dit Ha'it, c'est ça, Ha'itun. Ha'itun, c'est Jidar. Et c'est la même chose que Jidar. En gros, non, c'est la même chose. Que Ha'it, c'est plus une chose qui entoure. Un Jidar, il peut être tout seul, par exemple. Ouais. Et Ha'it, c'est quelque chose qui entoure, en fait. Ah, tu peux me dire Jidar, comment il s'écrit? Jidar, c'est Jim, Del, Alif, Ra. Jim, Del, Alif, Ra. Le alif s'accroche pas au del. Je sais pas si tu l'as accroché volontairement ou ça, non, c'est le studio qui a dérapé. Inch'Allah, on fasse des dictées, Inch'Allah. Allez. Jidar. Et l'autre, c'est Haït. Allez. Tamarin. Il dit. Exercice. Ikra waktub ma'adabt awakhir al-kalimat. Il veut que vous lisiez et que vous écriviez en mettant les. C'est où ça? La page d'après. Ikra waktub ma'adabt. Ma'adabt, je vous dis. En mettant la fin de chaque mot. C'est-à-dire en mettant la haraka qui convient. Là par exemple, il y a avec des mots qui sont ma'alifa ou nakira. À toi de mettre un tanouin ou une dambouna ou pas de tanouin. À toi de voir par rapport en fait qu'il y a quel homme à l'époque. Tanouin ou dama. En fait, tanouin, un dama ça peut être ouais, tanouin. Ouais, tanouin c'est quand tu répètes, ouais, t'écris deux fois la haraka. Ah, c'est pas propre à la dama seulement. Le premier, masjid. Comment tu dis? En quoi? Masjidoun. Masjidoun. Tu l'écris tout à l'heure. Ah, tu parles de cela? Non. On les met pas ici ou. Ma'a dabti, je sais pas. Dab. Dab, c'est en fait, c'est en précisant la. En stipulant la fin de. Ma'a dabti. Ah, d'accord. Normalement, dabato, c'est réglé, mais là, il veut dire par là que tu écris. Tu mets la haraka correcte à la fin du mot. Al-Masjid. Comment tu dis? D'où? Al-Masjid. Al-Masjid, non. Santanouin. Al-Ma'. Comment tu dis? Al-Ma'u. Al-Ma'u, non. Les ma'rifas. Après, ma'un, nam. البيت البيتو باب باب احسن قلم قلم قلم القلم قلم القلم القلم فطنوي الكلب الكلب كلب كلب قميص قميص ولد ولد نعم ولد الحجر حجر الحجر الولد الولد حمار حمار حمار الحمار الحمار الحمار الحصان الحصان الحصان حصان حصان نعم donc on a compris que le tanouin avec alif wa lam ils ne se joignent pas si tu vois alif wa lam il y a pas de tanouin qui vient derrière deuxième exercice ikra wa ktoub ça vous ferez inchallah à la maison vous écrivez toutes ces phrases qui sont constituées de mutada de khabar en mettant les harakas à la fin quand il y a tanouin et quand il n'y en a pas et quand c'est une damma de toute façon on a pris que damma pour l'instant on n'a pas encore pris les règles de la fatha de la kasra ou de la sukun. On a dit Atfoun, ça veut dire quoi Atfoun? Pourquoi pas traduire Atfoun? C'est pas la jonction de coordination, là, c'est ça. Hein? Là, en fait, en langue arabe, ça a un autre sens. Après, ça a été attribué à ces lettres-là. Et sinon, ça, littéralement parlant, ça a un autre sens. C'est plutôt Atof, c'est. D'avoir de la compassion, de la douceur pour quelque chose. Voyez, troisièmement. املا الفراغ فيما يلي بوضع الكلمات المناسبه من الكلمات التاليه donc ça veut dire que là il veut que vous mettiez dans les trous vous choisissez dans les mots qui sont écrits au-dessus que vous choisissiez le mot correct à la place qui convient al munasiba c'est hein correspond qui convient التاليه c'est le reste qui sont là qui sont présents املا c'est remplir al faragh c'est les trous les vides ainsi de suite. Donc vous avez des phrases avec du mutada, en fait à vous de mettre le khabar qui convient. On fait chez nous ça en fait. Ah, fil bait, fil bait. Je vais voir s'il est ouvert encore. Et l'exercice 4. Imla al farah fima yali bi wad'in kalimatin munasaba. Quand ? Excuse-moi, il y en avait un autre, il y en avait une autre phrase à la fin. Ah ouais. Vérifie le bien avant de. Et tu l'as changé quand? Hier, je sais plus, j'étais. Hier quand? Je suis repassé, je sais plus. C'était ouvert hier? Ah. Avant du moins, c'était ouvert? Quand j'étais avec toi? Donc, mille, il croit? Non, c'était avant-hier. C'était avant-hier. Donc le 4, c'est contraire du 3. Dans le 3, vous avez le mutada, à vous de trouver le khabar. Maintenant dans le 4, vous avez du khabar, à vous de mettre un mutada. Vous voyez, à vous de mettre un mutada qui convient. Voilà. Dans les vides. Par contre, ils ne donnent pas la... Non, c'est pas de trouver. Ils sont là, c'est pas ça. Non, ça, c'est le nouveau vocabulaire. Non. Mutada, c'est pas de trouver. Ok, d'accord. Ok. Donc c'est un truc qui demande réflexion. Et tu sortes de ta mémoire. En plus, il dit El Kalimat, El Jadida. Si on veut, on peut utiliser les trucs qu'on a déjà utilisés. Oh, tu peux. Mishtahid. Comment que ça correspond. Hein? Mishtahid. Nouveau. le nouveau vocabulaire Kalimat, El Jadida. El Kamar. Kamar, on a pris, c'était la lune. Dans Zifun, on a dit ça voulait dire propre. Kabirun, ça veut dire grand. Khafifun, léger. Jadidun, nouveau. Harun, chaud. Maftouhun, ouvert. Jamilun, beau. Qadimun, ancien. Baridun, froid. Maksurun, cassé. Waqifun, debout. Wasikhun, sale. Saghirun, petit. Saqilun, lourd. Jalisun, assis. Après, on donne des exemples en dessous. Vous les avez, vous aussi? Najmun, El Najmu. Il est où le Ma'arifa et le Nakira, Mohamed? Najmun, Nakira. Ou El Najmu, Ma'arifa. Non. Parce qu'il est l'alif ou l'aim, il n'est pas le Tanouin. Dikun, El Diku. الديكون الديكو الديكون مع النكرة على تنوين الديكو ألف ولا معرفة رجل الرجول رجل نكرة الرجل معرفة طالب الطالب toujours dans le nec طالب نكرة الطالب معرفة نعم. En fait là, ce qu'il veut faire comprendre, c'est par rapport au huruf al-shamsiyya ou al-qamariyya. Il veut faire un tambih sur les lettres lunaires et les lettres solaires. C'est-à-dire, comment cela va venir, qu'il y a des lettres, lorsque alif ou lam y rentre, ça y est, tu prononces pas alif ou lam, mais tu prononces la lettre avec un chedda. Par exemple, najm, ça commence par un noun. Ça y est. Donc si tu mets alif ou lam, tu dis pas El Najmu. Ouais. En fait, tu mets deux nouns. Tu vois, Mouchad Dida, ça s'appelle un drum, tu rentres dans une autre lettre, et tu dis El Najmu. El Najmu. Tu dis pas El Najmu. Tu dis El Najmu, ça c'est pas bon. Ce n'est pas correct. Tu dis El Najmu. En fait, tu prononces le lem devient. Le lem de Alif Olem devient un nun. Pareil, Dik, c'est cool. Addiku. Le lem devient un del. Tu dis Addiku. Rajoul, Rava pareil. Tu dis pas El Rajoul, tu dis Ar Rajoul. Le lem devient Arra. Et toi, pareil, Talibou, tu dis At Talibou. Et non pas El Talibou. At Talibou. Et après, il va venir avec toutes les autres lettres. Pour la moitié des lettres des Hurufi Jaïa sont Shamsiya et l'autre moitié sont Qamariya. Après, c'est juste les mémoriser. De toute façon, à l'écoute, voilà, à l'écoute, tu les ressens. À l'écoute, tu les ressens. Quand on entend les gens parler, tu les ressens. Ça, c'est ensuite dans l'avantage 8. Ceux qui apprennent à lire le Coran, ils apprennent ça. Directement. En fait, le dernier qui vient d'après, il y en a dessus. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et demain, on reviendra là-dessus. Le dernier, c'est toujours dans le 3. Hein? Toujours dans le 3, non. C'est un huruf Shamsiya ou un huruf Qamariya, c'est ça? Non. Donc. Il commence de là. Ça commence en dessous, ouais. Comme il a mis en dessous, j'avais pas vu qu'en fait ça venait d'après. Mm-hmm. Il aurait dû mettre sur la même page, ça aurait été plus ordonné. Ouais. Mais de demain, c'est alors commencera de là. Inch'Allah ta'ala. Ah bah. Ma faute ah. Merci Lyon ah. Ça y est. Aïla ou là. Subhanallah, on dit que là, on a tout.